La cousine Bette, installée rue Vanneau dans un joli petit appartement au troisième étage, quitta le bal à 10 heures pour revenir voir les titres des 1200 francs de rente en 2 inscriptions. La nue propriété de l'une appartenait à la comtesse Steinbock et celle de l'autre à Madame Hulot-Jeune. On comprend alors comment M. Crevel avait pu parler à son ami Hulot de Madame Marneffe et connaître un secret ignoré de tout le monde. Car, M. Marneffe absent, la cousine Bette, le baron et Valérie étaient les seuls à savoir ce mystère. Le baron avait commis l'imprudence de faire présent à Madame Marneffe d'une toilette beaucoup trop luxueuse pour la femme d'un sous-chef. Les autres femmes furent jalouses, et de la toilette et de la beauté de Valérie. Il y eut des chuchotements sous les éventails, car la détresse des Marneffe avait occupé la division. L'employé sollicitait des secours au moment où le baron s'était amouraché de madame. D'ailleurs, Hector ne sut pas cacher son ivresse en voyant le succès de Valérie qui, décente, pleine de distinction, enviée, fut soumise à cet examen attentif que redoutent tant les femmes en entrant pour la première fois dans un monde nouveau.